Bonsoir, vous êtes à l'écoute de... On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers, immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre, en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité. Ou bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploiter devraient-ils le faire ? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison, les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons, et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... Bonsoir. Bon, Axel, tu vas pas faire le clown. Voilà, donc nous sommes mercredi soir. Comme tous les mercredis soirs, c'est l'émission Tranche d'Anar, l'émission anarchiste de Radio Air Libre, de 20h30 à 22h. Notre adresse est toujours le 365A, chaussée d'Alzenberg, 1190 de Bruxelles. Notre numéro de téléphone, si vous voulez nous joindre, le 02 344 58 55. 02 344 58 55. Voilà, ce soir, nous avons un invité de marque. Tu parles de Boris ? Non, de Boris. Il n'est pas là en chair. Hein. En tout cas, on va vous parler de Boris Vian, parce que... voilà, il a cassé sa pipe il y a 100 ans. Il a cassé sa pipe il y a... Mais non, il n'a pas cassé sa pipe il y a 100 ans. Il est né il y a 100 ans. Ouais. Il a pas... Disons qu'il aurait eu 100 ans s'il n'avait pas cassé sa pipe. C'est surtout ça. Je me dis, c'est excellent. Voilà. Donc, de Boris Vian, c'est vrai que c'est le centenaire de sa naissance cette année. Donc, voilà. Et nous avons demandé à notre cher ami Patrick de venir nous parler un peu de Boris Vian, surtout la partie très musicale, jazz, qu'il connaît le mieux. Ben oui, parce qu'on fait, avec Axel, à chaque fois qu'on se voit, on cherche un sujet d'émission avec le jazz. Donc, on a pensé au cinéma et au jazz, qu'on n'a pas encore fait. On a pensé au gouvernement belge et au jazz, mais on s'est demandé si ça tiendrait vraiment une heure. Mais du coup, Boris Vian et le jazz, voilà. C'est ça notre sujet du soir, enfin pour moi. Oui, ben c'est bien. Voilà, alors on va essayer de vous mettre en haleine pendant un peu plus d'une heure. On verra si ça vous met en haleine. Alors, on va expliquer. On va commencer d'abord par un petit morceau de musique au départ, Patrick. Oui, ouais. Ce serait peut-être pas mal de commencer par le commencement, c'est-à-dire d'abord d'écouter Boris jouer un peu de trompette. Attends deux secondes. Si l'anarchie existait, il faudrait s'en débarrasser. C'est l'exergue de l'émission. Donc on va écouter Check of Arabi, qui est un enregistrement qui a été filmé. D'ailleurs, si vous voulez voir l'image, vous pouvez aller chercher ça sur Internet. C'est Boris et ses deux frères, Lélio à la guitare et Alain à la batterie, qui jouent au Club Le Tabou. Et ça a été diffusé en 1958. Je pense que ça a été filmé un peu avant. On va d'abord écouter. Le Check of Araby, en fait, c'est un thème, c'est une chanson populaire américaine qui a été composée en 1921 par le musicien Ted Snyder et les paroliers Harry B. Smith et Francis Wheeler, je pense que c'est la version française. Et donc, ce Check of Araby, c'est un des morceaux une des nombreuses petites formations de Vian interprétées ce jour-là. En attendant le check, je vais dire un peu de quoi je vais parler. Ce sera, je vais faire une intro. Livresque, parce qu'en fait, voilà. Moi, je connaissais Boris Vian comme n'importe quel étudiant. J'avais fait semblant de le lire en France, parce qu'il fait partie un peu du patrimoine maintenant. Essentiellement avec ses romans, L'écume des jours et L'accroche-cœur. Mais je ne connaissais pas si bien que ça le côté jazz. Et donc, je me suis mis en quête de ses écrits sur le jazz qui sont pléthoriques. Je ne savais pas de ça. Donc j'ai couru évidemment les librairies où j'ai cherché vainement évidemment l'édition la plus récente qui doit s'appeler Chronique de jazz et qui est parue au livre de poche mais qu'on trouve nulle part parce que c'est un livre qui fait quand même quelques centimètres d'épaisseur et qui risquerait de prendre la place à des best-sellers de Paul Bousculitzer à la Fnac par exemple. Donc on ne le trouve pas en général mais on peut le commander. Et sinon, j'ai trouvé une édition plus ancienne qui s'appelle Écrit sur le jazz, qui est en deux tomes chez 10-18. Et ça, je l'ai trouvé dans une librairie dont je ne ferai pas la publicité. Parce que tout le monde sait bien que l'image. Ah, ça y est. Image est la meilleure librairie d'anciens de Saint-Gilles et de Bruxelles. Donc, voilà. J'ai lu les chroniques de jazz, d'une part. Et puis, j'ai essayé de fouiller un peu dans les archives pour trouver des enregistrements, puisque donc Boris Vian et le jazz, ça veut dire à la fois parler du musicien et du critique de jazz. Est-ce qu'on écoute le check Thank you. Donc ça, c'était Czech, The Czech of Arabie, qui était donc joué par, par Boris et ses deux frères, Léliou à la guitare et Alain à la batterie, au Club du Tabou. Et c'était, c'était filmé, en tout cas diffusé en 1958, donc assez tard en fait, assez tard dans la vie de Boris Vian. Je suis même en train de me demander si ça n'a pas été diffusé à sa mort d'ailleurs, 58. Bon, bref, c'est un film que vous pouvez trouver, hein, une petite séquence qui a été filmée pour la télévision française et où ils interprétaient ça, mais alors que Boris n'était plus vraiment musicien parce qu'en fait, il a été à un moment donné interdit de jouer de la trompette à cause de sa santé. Et donc là, je pense qu'il avait accepté de rejouer un petit peu. Moi, ce que j'ai découvert en relisant les écrits de Boris Vian sur le jazz et de farfouiller dans tout ça, c'est à quel point l'actualité, la pérennité de Boris Vian, elle tenait beaucoup à son antiracisme, en fait. Parce que c'est très intéressant de lire ça aujourd'hui. Je veux dire, c'est d'une actualité assez, assez perturbante, quoi, quand il parle de la... C'est un... Boris Vian, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup aimé le jazz, mais qui n'aimait pas du tout l'Amérique, en fait, et qui critiquait énormément le système américain, notamment le racisme américain. Et ça se retrouve non seulement dans ses écrits sur le jazz, mais aussi dans le livre qu'il a fait connaître de son vivant, qui est « J'irai cracher sur vos tombes », qui était son... Bon, on va recommencer par le commencement, on va quand même présenter le bonhomme. Donc, il est né en 1920 à Ville d'Avray, c'est à côté de Versailles, dans une famille assez aisée. Les fossoyeurs de la commune. Assez aisée. Hein? Les fossoyeurs de la commune. Les Versaillais, oui, bien sûr. Et sa famille, donc, c'était des rentiers, des fortunes industrielles. Son prénom, Boris, vient d'un opéra. On voit un peu l'univers. En 1930, son père, qui était donc rentier, comme j'ai dit, et boursicoteur, fait plus ou moins faillite. Et il sera tué en 1944, le père de Boris, par supposément des gens du FFI, des FFI, parce qu'il y avait on a vu des gens s'enfuir avec des brassards FFI, mais on ne sait pas dans quel... C'est une mort assez mystérieuse qui a marqué sa jeunesse. À 12 ans, à la suite d'une angine infectieuse, j'y arriverai, Boris souffre de rhumatisme articulaire aigu qui provoque une insuffisance aortique, et on lui prédit qu'il mourra avant l'âge de 40 ans. Et il a tenu le pari puisqu'il est mort à 39 ans, après une vie qu'il a menée à toute allure, justement parce qu'il l'a vécu un peu toujours sous la menace de ce problème de santé. Ce qu'on peut dire encore, c'est que oui, alors il a été assez choyé par sa famille parce qu'il était comme ça condamné. Et il a fait à peu près, il a fait un peu ce qu'il voulait. Et donc très très tôt, il s'est intéressé au jazz, il a pratiqué le jazz, et il est allé à Paris faire des écoles d'ingénieurs, à l'école centrale, et assez vite, il a commencé à avoir des petits orchestres. Quoi. En 41, donc, il est à Paris, il est sur le point de devenir ingénieur, il se marie une première fois avec une certaine Michèle Léglise, qui est une jeune poétesse en révolte contre sa famille et son milieu. Elle sera plus tard maîtresse et secrétaire de Sartre, pour la petite histoire. Il obtient son diplôme en 42 et devient le père de deux jumeaux, Patrick et Carole. Donc, il a appris à jouer de la trompette à partir de 1936. Et il s'est inscrit au Hot Club de France, qui était présidé par Hugues Panassier. Et le Hot Club de France, en fait, c'est une association qui avait été fondée en 1932 pour promouvoir le jazz en France. Parce qu'il faut comprendre que, en fait, Vian a connu les débuts du jazz en France. C'était une époque où il y avait vraiment... Le jazz était une musique totalement inconnue, qu'on découvrait à travers de très très rares disques, impressions. Et donc il y avait une curiosité. Et pour les gens qui aimaient cette musique... il y a eu tout de suite une volonté de la promouvoir à travers comme ça, une association qui a joué un peu le rôle d'organe central comme ça, du jazz en France, le Hot Club de France, et qui a essaimé un peu dans toute l'Europe, puisqu'il y a eu des hot clubs à peu près dans toutes les grandes villes d'Europe à une période. Et c'était des structures qui permettaient de créer des orchestres, d'organiser des concerts, d'éditer des revues. Et pour le Hot Club de France, ça a été Jazzot, dans laquelle Boris Vian a beaucoup écrit. Ah, donc, avec son frère Lélio à l'accordéon puis à la guitare et son frère Alain, dont on a entendu tout à l'heure les prouesses, Boris monte une petite formation, l'Accord Jazz, qui anime d'abord des surprises parties. En 1942, il rejoint avec ses frères l'orchestre amateur de Claude Abadie, qui s'appellera d'abord Vian Abadie, puis simplement Abadie quand les frères de Boris quitteront la formation. Et donc on va entendre un deuxième morceau, si la machine veut bien, qui s'appelle I Found a New Baby, de Claude Abadie, donc, en 1946. Baby. Donc c'est un standard qui était interprété ici par la formation de Claude Abadie en 1946. Je vois que Axel n'est pas très convaincu. Je suis pas convaincu. Mais ce que je lui disais, c'est que en 1946 en France et même un peu sur tout le continent, il y avait guère que ça comme jazz, c'est-à-dire du jazz New Orleans. Interprété par des amateurs parce que c'est une musique qui avait été interdite pendant l'occupation parce que c'était le début quoi. Donc Vian a participé à ça j'arrive pas trop à le distinguer là, mais apparemment il a fait partie de cette formation de Claude Abadie et qu'on soit bien clair, il a toujours été un musicien amateur. Il ne s'est jamais considéré comme un musicien professionnel. Bon, alors pour en venir au mythe, on ne peut pas parler de Boris Vian sans parler de Saint-Germain-des-Prés. Et du mythe Saint-Germain-des-Prés, c'est-à-dire de ce qui s'est passé juste à la Libération dans ce quartier de Paris. Et moi, je connaissais comme ça un peu la mythologie, mais je n'avais jamais regardé ça de près. Et c'est assez curieux de s'apercevoir qu'en fait, c'est très peu d'années et très peu d'endroits, en fait. C'est quelques cafés et quelques caves, en fait, le phénomène Saint-Germain-des-Prés. Mais c'est un truc super important, parce que ça fait partie d'une suite d'événements en France qu'on peut, je sais pas, on peut relier ça au surréaliste, on peut relier ça au romantique. C'est cette espèce de bouffée de liberté, comme ça, dans des points précis de l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est donc en 44, donc avant la libération, vient en rencontre Claude Luther, et il se joint à lui pour ouvrir un club de jazz qu'ils appellent d'abord le New Orleans Club. Et ce club ne fonctionnera que quelques jours à Saint-Germain-des-Prés. Donc il est tout de suite interdit, tout de suite fermé. Ensuite, en 46, la libération est passée, et il pense que c'est le moment de pouvoir enfin ouvrir un club de jazz. Et avec, je crois que oui, c'est toujours avec Claude Luther, il décide d'ouvrir le club, le Caveau des Lorientais. Pourquoi le Caveau des Lorientais ? Moi, c'est un endroit dont j'avais déjà entendu parler pour une autre histoire qui a rapport avec la première projection de Jean Rouch s'est faite au Caveau des Lorientais, par hasard. Mais le Caveau des Lorientais, en fait, le nom vient du fait que les bénéfices étaient versés à la ville de Lorient pour sa reconstruction. Et qu'en fait, c'était l'alibi, c'était la condition pour l'ouverture du club. Ils avaient l'autorisation d'ouvrir de 20h à minuit, et bientôt on fit valoir que la sortie de secours était trop étroite. Il manquait 5 cm par rapport aux normes de sécurité. Et donc le caveau reçut donc l'ordre de fermer définitivement ses portes en 48. Donc ça n'a pas duré très très longtemps. Entre-temps, en 1947, avait ouvert le fameux Tabou dans la rue Dauphine. Alors le Tabou, c'est le club qui est vraiment associé à Boris Vian et à toute la faune Saint-Germano-Pratine, c'est ça ? Germano-Pratine de ce moment-là. Le Tabou, en fait, c'est une émanation d'un bar qui s'appelait le Bar Vert, qui avait été créé en 1944, rue Jacob, et qui est en fait le premier bar américain à Paris. Le bar américain, c'est quoi ? C'est un bar qui en fait ne ferme jamais. Il est ouvert toute la nuit, et il est ouvert notamment parce que c'est un bar qui était situé à côté des messageries de la presse parisienne, et donc ça permettait aux gens qui travaillaient dans l'impression, aux ouvriers de la presse, en fait, de venir manger et boire à toute heure. Ensuite, c'était aussi un bar qui était fréquenté par des journalistes, évidemment, et puis, de fil en aiguille, par pas mal d'artistes, d'intellectuels. Et donc autour du Bar Vert, il y a eu comme ça tout un mouvement d'une petite nébuleuse qui comprenait aussi bien Antonin Artaud, Roger Vaillant, Raymond Queneau, Merleau-Ponty, Pichette et parfois Jean-Paul Sartre. Et à partir de ce Bar Vert, qui était trop étroit pour danser, parce qu'il y avait aussi des gens qui étaient là pour danser, ils ont décidé de créer le Tabou à quelques rues. Donc le caveau, la cave en sous-sol du Tabou, c'était le lieu idéal pour la musique, pour éviter que les voisins ne se plaignent du tapage nocturne. C'est pour ça que les clubs de jazz se sont mis dans des caves, hein, c'est uniquement pour des questions acoustiques au départ. Boris Vian est parmi les premiers musiciens à s'y produire. Il y fonde une nouvelle formation avec ses frères, qui s'appelle cette fois-ci les Gris. Donc les Gris, ça s'écrit G-R-R-R, hein, avec Guy Montassu au saxophone, ténor. Et après quelques mois, Guy Lognon, qui s'associe au groupe avec une trompette, tandis que Boris passe à la trompinette. Alors la trompinette, apparemment, c'est une petite trompette qui est plus ou moins de l'invention de Boris Vian, et qu'il a adoptée notamment pour des raisons de santé, parce que ça lui permettait de souffler moins. Comme il avait toujours ce problème dont j'ai parlé tout à l'heure, ses médecins lui avaient fortement déconseillé de continuer à jouer de la trompette. Enfin, Claude Luther les rejoint avec la fermeture du Caveau des Lorientais, et se forme alors l'Orchestre du Tabou, qui se produit accompagné de danseurs et en tenue zazou. Alors zazou, je ne sais pas si ça dit encore quelque chose à quelqu'un aujourd'hui, mais le mouvement des zazous, c'est... Toi, tu connais, oui. Les zazous. Du zazou, c'est... comment il s'appelle ? Oui, il y a Brigitte Fontaine qui a relancé, qui a relancé l'histoire. Zazou, c'est surtout, comment on s'appelle, l'autre qui parle dans le micro. Ouais. L'autre qui chantait, comment ça s'appelle ? Oh, ça y est, je perds mes mots, je suis un vieux. C'est comment s'appelle les frères là, les deux qui chantaient ensemble. Comment ils s'appellent? Frères Jacques. Non, pas les frères Jacques. Ils étaient quatre, les frères Jacques. Comment? Ils étaient quatre, les frères Jacques. Les frères Jacques, ils étaient quatre. Mmh. C'est Johnny. Les frères Dalton. C'était Johnny, Johnny et comment ils s'appellent qui chantaient. Ils chantaient des Azou. Qui était du Midi. Ça y est, je perds la mémoire. Mmh. Nous allons faire des recherches. Nicole fait des recherches. Nous, alors en fait, les Azou, c'est le mouvement des, de la jeunesse sous l'occupation qui décidait. Elle avait déjà avant la guerre. Ben ça, je sais pas. J'ai pas. Je sais. Je crois savoir que c'est. Charles Trenet, qui a chanté souvent les Azou. Ah oui, il a dit qu'il était Zazou. Mais tu parlais de deux frères. Non, mais Charles Trenet. Non, il y avait Charles Trenet et son copain Johnny, je sais pas quoi. Ah oui. Ok. Effectivement, Trenet, c'était un Zazou. Et en fait, c'est la jeunesse sous l'occupation qui, ouais, notamment, se distinguait par des tenues vestimentaires assez amples, alors que sous l'occupation, il était. Un peu comme d'autres périodes, il est conseillé de porter le masque. Là, c'était, il fallait porter des costumes serrés parce qu'il fallait faire des économies de tissu. Et les Azou n'acceptaient pas ce genre de restrictions. Et donc, ça a été un peu la jeunesse révoltée, un peu liée aux surréalistes et tout ça. Et donc, ils se sont retrouvés aussi au tabou après-guerre. Il y a Juliette Gréco qui a fait un petit passage chez les Azou. Parce qu'elle était au centre de cet orchestre du tabou et de tout ce mouvement autour du club du tabou. Il parlait de Johnny S. Johnny S. Ah, Johnny S. Johnny S. Donc parmi les clients, alors. Qui était l'amant de Charles Trenet. Oui. Donc, au tabou, ce qui s'est passé, je crois, si on lit un peu entre les lignes, c'est qu'il y a eu un effet de. Un peu de division assez vite, parce que ça a duré très très peu, en fait. L'histoire du tabou, c'est une histoire, c'est une année, mais qu'il y a eu énormément de retentissements dans la presse. On va entendre tout à l'heure un reportage qui est fait au tabou. C'était un truc qui intéressait beaucoup, beaucoup Paris, parce que, voilà, c'est le Paris du lendemain de l'occupation, et que. À la fois, ça fascinait, ça faisait peur, c'était nouveau, etc. Et qu'il fallait s'amuser. Il fallait se marrer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une sorte de division à un moment donné qui s'est faite et dont parle assez bien Boris Vian dans ses chroniques de jazz, entre les gens qui considéraient que tout ce qui permettait de danser était bon, et puis les amateurs de jazz un peu plus pointus. Et donc évidemment, bon, pour danser, alors c'était le jazz New Orleans que n'aime pas Axel, mais il y avait déjà des amateurs de bebop, c'est-à-dire du jazz le plus moderne et qui lui était un peu trop sophistiqué pour danser dessus. On en entendra aussi des extraits. Et du coup, voilà, il y a eu un peu une scission entre, voilà, des gens qui étaient un peu de la jet set et qui ont préféré faire un autre club et laisser le tabou aux danseurs, quoi. Mais donc, il y avait notamment dans tous ces gens, hein, le couple Montand-Signoret, Renaud Barreau, Sartre Beauvoir, enfin, c'est beaucoup des couples. Mais il y avait aussi des gens comme Miles Davis de Passage à Paris, ou Gaston Gallimard, Alexandre Astruc, Roger Vaillant, Maurice Merleau-Ponty, dont j'ai déjà parlé, Jean Cocteau. Et tout très vite, le tabou est devenu une espèce de légende, comme ça. Jean Marais. Sûrement. C'est le frère de Jean Cocteau, c'est ça? Donc les voisins énervés avaient réussi à faire ramener l'heure de fermeture du tabou à minuit, et assez vite, le public donc, s'est scindé, comme je l'ai dit, entre... la jeunesse interlope, disons, qui voulait danser, puis la jet set qui a préféré aller écouter du bop au Club Saint-Germain, qui ouvre en 48 et qui devient un haut lieu du jazz, puisque c'est là que les jazzmen américains, qui étaient très recherchés, du coup, puisqu'il n'y avait pas de jazz vraiment français, et c'est là qu'ils se produisaient quand ils allaient... Il y avait Art Blackie, surtout, qui a lancé le... Mais il y a eu Bud Powell et tout ça qui sont arrivés Bud après. Powell, parce qu'il y a eu un exil, comme ça, à un moment donné, des musiques. Mais là, il faisait que passer. C'était Ellington qui venait faire un concert salle Playel et qui, du coup, allait faire un petit buff, jam au club. Bon, on va écouter justement, du coup, un reportage au tabou en 1947 pour voir un peu qu'est-ce que ça donnait à l'époque. porte tabou est installé dans une cave, une espèce de cave allongée, un tunnel dans lequel s'entasse une foule extraordinaire. Il y a beaucoup de jeunes gens, bien entendu, mais il y a aussi des visiteurs, des gens venus de toutes les parties du monde pour voir ce qu'est ce fameux tabou dont on a parlé comme d'un bar existentialiste, simplement parce qu'un soir Sartre y était venu. Mais c'est simplement un dancing d'étudiants où l'on fait du très bon jazz. À noter qu'il y a un piano bien curieux. Au moment où Jimmy Davis chantait tout à l'heure en s'accompagnant lui-même, il y avait près de lui l'un des habitués de la maison, tout occupé à décoller les marteaux des notes qui, à chaque note, se collaient aux cordes. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on est ici très gai, vous l'avez entendu. On y accueille tous les poètes, musiciens, chanteurs qui veulent faire entendre leurs œuvres, et c'est souvent un mélange inouï de débutants et de grandes vedettes qui ne dédaignent pas de venir sur la petite scène. L'autre soir, Trainet était là. Cette petite scène vers laquelle je me dirige actuellement et qui est au fond du tunnel. Donc ça, c'est un reportage radio qui était fait au Tabou. Pour en revenir à Boris Vian, en 1942, donc, c'est un jeune homme qui a trouvé un emploi, après ses études d'ingénieur, à l'Association française de normalisation. Alors ça s'appelait l'AFNOR, c'était donc un institut, enfin une association qui était chargée d'édicter des normes pour essayer d'homogénéiser des trucs aussi divers que la taille des chaises ou des trucs assez... enfin, c'est un travail totalement rébarbatif et lucratif pour Boris, qui lui laisse le temps de se consacrer à l'écriture, au jazz et aussi à la peinture. Il un peu touche à tout. Il commence à intégrer le milieu intellectuel et littéraire parisien, du fait qu'il fréquente donc Sartre, Merleau-Ponty, tout ça. Queneau, qui restera son grand ami. Et ça lui permet de publier ses premiers textes chez Gallimard. Mais il est assez vite dégoûté par les intrigues et les dissensions nombreuses et la difficulté de percer. C'est-à-dire que pour faire éditer un texte, pour avoir le soutien de... Il faut intégrer toute une coterie et se faire bien voir, etc. Et c'est pas du tout son truc. Au début de l'année 46, il fait la connaissance d'un jeune éditeur, par hasard, qui s'appelle Jean Daluin. Et c'est un assidu du Café de Flore qui vient de créer une maison d'édition qui s'appelle les Éditions du Scorpion. Et Jean demande à Boris de lui faire un livre dans le genre de Tropique du Cancer, de Henry Miller, qui était alors le succès sulfureux du moment. Et en 15 jours, du 5 au 23 août, un peu comme une blague, Boris Vian va s'amuser à pasticher la manière des romans noirs américains, avec des scènes érotiques. Et ça donne « J'irai cracher sur vos tombes », qui est publié sous le nom de Vernon Sullivan, dont Vian est censé n'être que le traducteur. Je parle de ça parce que ça éclaire aussi la façon dont Vian a été perçu de son vivant, puisque jusque-là, c'est un illustre inconnu, hein, Boris Vian. Il est connu pour cette histoire du tabou, parce qu'il est très en vue en tant qu'animateur de ses clubs de jazz et tout ça, et parce qu'il écrit déjà des chroniques de jazz dans Jazzot, mais en tant qu'écrivain, il ne sera connu qu'après la parution de ce livre, parce que très très vite, en fait, le livre fait scandale. Et le livre est poursuivi par un truc qui s'appelle le Cartel d'Action Sociale et Morale, qui est une association réactionnaire, menée par un certain Daniel Parker. Et alors Boris risque alors 2 ans de prison et 300 000 francs d'amende, parce qu'il est accusé d'être un assassin par procuration, parce qu'on rapporte dans la presse un fait divers où un homme a assassiné sa maîtresse en laissant le livre « J'irai cracher sur vos tombes » à côté du cadavre. Donc Boris doit prouver qu'il n'est pas Vernon Sullivan, parce qu'il est soupçonné de l'être, évidemment, hein, très vite. Et pour cela, donc, il rédige en hâte un texte en anglais qui est censé être le texte original. Finalement, en août 1947, le tribunal suspend les poursuites, mais en novembre 1948, après la loi d'amnistie de 1947, Boris Vian a officiellement reconnu être l'auteur de « J'irai cracher sur vos tombes », sur les conseils d'un juge d'instruction, pensant être libéré de tout tracas judiciaire. Mais Daniel Parker et son cartel moral attendent la traduction en anglais et le deuxième tirage de l'ouvrage pour lancer une nouvelle procédure, et le livre est finalement interdit en 1949. Donc cette histoire de « J'irai cracher sur vos tombes » qui a commencé comme une blague, et une blague un peu provocatrice, puisque c'est quand même un livre qui raconte si je me souviens bien, un crime raciste dont on se venge. Et donc c'est un livre qui est traversé aussi par cette question du racisme. Ce truc qui avait commencé comme une blague a fini comme un calvaire en fait pour Boris Vian, puisqu'il est mort devant la projection du film qui était censé être l'adaptation du roman qu'il désapprouvait. Et que ça a été des tracas judiciaires et voilà, il a été poursuivi toute sa vie pour cette histoire-là. Et c'est ce truc-là, ce scandale sulfureux qu'il a fait connaître de son vivant. Donc c'est son principal titre de gloire. Et on va entendre. C'est pour ça que je vous ai fait écouter le petit reportage de 47. Ouh là, il était question du tabou, c'était sympa et tout ça, mais vous allez voir le gars qui l'interrompt. Voici l'animateur du lieu, l'âne damné des lanceurs de mode, le romancier scandaleux, j'ai nommé M. Boris Vian. Tout ce que je fais, je le fais en toute innocence, que les gens sont souvent très surpris, évidemment. Je ne me rends pas compte. Alors les romans, scandale. Ah ben, vous comprenez, pour moi, ça n'a rien de scandaleux. C'est peut-être pour ça que j'ai fait ça en toute innocence. Parce que vraiment, quand on parle des choses simplement et sans y attacher d'importance, on ne voit pas pourquoi les gens se choquent. Si je choque, c'est vraiment qu'ils ont une mauvaise conscience, à mon avis. Tandis que la vôtre est d'une limpidité. Oh, d'une limpidité parfaite. À nul autre pareil. Vous savez, on n'est coupable que quand on se sent coupable. Même pas de snobisme. Non, non. Mais si vous me permettez cette question, pourquoi avez-vous choisi Saint-Germain-des-Prés pour vos exercices musicaux? Parce que je crois que vous aimez sincèrement et profondément et passionnément la musique de jazz. Oui, ça c'est une de mes manies. Mais vous savez, il n'y a guère que cet endroit-là où on puisse faire de la musique de jazz et conserver un public. Parce que. Prenez la Bastille, par exemple. Ben, oui. À la Bastille, si vous jouez autre chose que de l'accordéon, vous vous faites tuer. Aux Champs-Élysées, si vous jouez autre chose que de la musique douce, vous vous faites tuer. Et dans les autres endroits en général, si vous jouez autre chose que des sambas, vous vous faites tuer. Il ne reste guère que Saint-Germain-des-Prés. Alors d'avoir le public que vous avez, vous dites tant mieux, tant pis, ou si ça vous est égal? Ah, moi je dis tant mieux, parce que c'est un public qui apprécie cette musique-là et qui revient après l'avoir entendue. C'est tout ce que nous lui demandons, c'est de pouvoir continuer le plus longtemps possible. Mais vous parlez d'or, enfin, sagement, raisonnablement, enfin, de manière à me surprendre encore davantage. Mais entre nous, il n'y a pas parmi votre public des gens qui sont là, m'ont dit, pour faire foule et parce que c'est la mode. Si, il y a beaucoup de gens qui sont là parce que c'est la mode. Il y en a qui viennent voir ce que c'est et qui ne reviennent pas. Il y en a qui viennent voir ce que c'est et qui reviennent. Et puis nous avons énormément d'Américains. Et pourquoi était-il nécessaire de s'installer dans une cave? Ah, ça, je ne sais pas. Vous savez, je crois que le complexe des caves... Un tropisme biologique. Ah, enfin... oui, je crois que ça date de l'occupation, ça, des bombardements. Vous savez, on a tellement pris l'habitude de descendre la nuit dans des caves que... Mais pendant l'occupation, on ne descendait pas dans les caves. Quand on était bombardés, les Parisiens restaient sur le pas de la porte. Oh, pas tellement. Voilà, pas tellement. Non, non, au fond, ils étaient ravis de descendre dans des caves. C'était une diversion. Et puis, alors... ils faisaient connaissance avec leurs caves. On ne connaît jamais ces caves, vous savez. Mais vous, M. Boris Vian, votre ambition personnelle, à vous, quelle est-elle? Moi, c'est conserver un endroit où je puisse, avec mes camarades, faire le plus longtemps possible de la musique de jazz sans concession. Mmh. Et vous n'avez pas eu trop de malheur jusqu'ici avec les habitants du quartier? Oh non, à part quelques sourdeaux sur la tête, des têtes de poisson pourri, des tomates, enfin des choses comme des choses plutôt nourrissantes, d'ailleurs. Mais il faut souffrir pour l'art. Ah, il faut souffrir pour l'art. Voilà. Et j'ai pas été vérifié, mais je soupçonne le journaliste qui l'interroge d'être Raymond Souplex. Je sais pas si vous connaissez les cinq dernières minutes, mais je trouve qu'il a vraiment la voix de Raymond Souplex, ce journaliste. Et donc voilà, il asticote sur la question du snobisme, en fait, qui était une question importante pour. C'est pas pour rien que Boris Vian a fait une chanson qui s'appelle Je suis snob. C'est que ces gens étaient soupçonnés d'être très très snobs, les gens qui allaient écouter du jazz à Saint-Germain-des-Prés. C'était le principal. C'est-à-dire, on ne pouvait pas comprendre que des gens qui allaient écouter des concerts de bebop, qui paraissaient être du bruit hein, pour la plupart des gens, on ne pouvait pas comprendre que ces gens aiment réellement cette musique. On pensait qu'ils le faisaient pour la pause. Et, comme le dit Boris Vian dans ses écrits, et là il le sous-entend, il est vrai que la plupart des gens, en fait, oui, étaient plutôt dans la pose, mais c'était un moyen de les amener au jazz aussi, ce snobisme. Et c'est comme ça que l'entendait Boris Vian, puisque lui, donc, il était toujours au jazz, enfin, il était chroniqueur à Jazzot et au Hot Club de France, et donc son but, quand même, qui était un peu un sacerdoce comme ça, mais c'était de promouvoir le jazz, de le faire connaître, de le faire aimer, et donc, si les gens y venaient par le snobisme, en fait, pour lui, ça allait tout aussi bien, quoi. Alors il y a une question qu'il faut se poser maintenant, peut-être plus générale, que là on a suivi un peu chronologiquement ce qui s'est passé dans son rapport au jazz, mais il faudrait se demander quel jazz en fait il a aimé, il a pratiqué. Et c'est deux questions différentes en fait. Parce que il l'a dit à un moment, j'ai pu retrouver l'extrait de l'interview, il dit qu'il n'a jamais eu les moyens de pratiquer le jazz qu'il aimait. C'est-à-dire que son plus grand amour, en fait, c'est les grands orchestres, c'est-à-dire c'est Duke Ellington. Et c'est sa première découverte de vrai jazz, parce qu'il a dit que, il raconte qu'en fait, au début, comme tout adolescent de sa génération, tout ce sur quoi il pouvait danser était du jazz. Et puis, à un moment donné, il a quand même fait la différence entre ce qu'était le vrai jazz et ce qu'était la musique de danse, quoi. Et il a fait grâce à Duke Ellington, en écoutant les disques de Duke Ellington. Mais évidemment, Duke Ellington, grand orchestre, il faut voir que la guerre est une cassure dans l'histoire du jazz du point de vue des grands orchestres. C'est-à-dire qu'après-guerre, pour des raisons économiques, les grands orchestres se cassent la gueule, au moins pour un moment, et notamment celui d'Ellington, qui passe une mauvaise phase. Et donc, il ne pouvait pas être question, évidemment, qu'il y ait des grands orchestres, a fortiori en France. Donc, Boris Vian aurait eu du mal à jouer dans un grand orchestre, et il aurait eu du mal à jouer, disons, dans le style qu'il s'est mis à aimer le plus à un moment donné, qui était le bebop, parce que c'est une musique qui est complexe, c'est une musique qui n'est pas accessible vraiment aux amateurs. Et que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est resté un amateur. Et donc, il a continué à pratiquer le jazz qu'il a d'abord aimé, qui est le jazz New Orleans. Et ça, à peu près toute sa vie, avec des influences, évidemment, puisqu'il aimait beaucoup Miles Davis, où il essayait de teinter un peu ses interprétations de nuances bop, mais en gros, quand même, il est resté sur un mode, dans un style assez New Orleans, quoi. Voilà, et du point de vue du critique de jazz, en fait, il faut voir que il y a eu des débats qui paraissent aujourd'hui complètement ridicules, comme on sait bien en inventer en France, quoi. Il y a eu des papes pour se déchirer sur la question de savoir ce qui était du jazz ou ce qui n'était pas du jazz en France. Et notamment le fameux Hugues Panassier dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été donc le président du Yacht Club de France, un des plus illustres. C'est lui qui a créé la revue Jazzote et tout ça. Et lui, à un moment donné, a décrété que que le bop n'était pas du jazz, quoi. Donc le bop, c'est la musique, c'est le jazz qui arrive avec Charlie Parker et Dizzy Gillespie en 45-46. Voilà, il y a eu un certain nombre de critiques pour dire que ça n'était pas du jazz, que ce qui était du jazz, c'est ce qui s'était passé avant, et que maintenant, ce qui arrivait, c'était autre chose, c'était du bruit, c'était des fausses notes, et qu'il fallait pas considérer ça comme du jazz. Et la position de Boris Vian, c'était de dire, mais il ne faut même pas appeler ça bop, c'est l'exacte continuité de l'histoire qu'il y a eu avant, c'est le jazz. Et donc, il était, lui, ouvert à tous les styles de jazz. Alors, donc il ne s'est jamais positionné, comme je l'ai dit, entre le jazz pour danser et le jazz le plus sophistiqué. Je veux dire, il n'a pas tranché, même s'il avait ses préférences. Il a jamais condamné l'un pour l'autre. Et je pense que c'était compliqué pour un esprit comme Vian, qui n'était pas un esprit systématique, de se positionner comme ça dans des débats très, très tranchés et très polarisés. J'essaie de retrouver le fil de ce que je disais. Il a défendu, donc, en fait, la façon dont il a été militant en tant que critique de jazz. Et c'est là que ça rejoint mon histoire d'antiracisme, c'est qu'il a assez systématiquement défendu les Noirs contre les Blancs, un peu. C'est-à-dire les Noirs dont on disait qu'ils étaient finis au profit du jazz blanc qui émergeait beaucoup à cette époque, à la fin des années 40, début des années 50, c'est là qu'émergent tous les grands noms du jazz blanc. Jerry Mulligan, que ce soit Stan Getz, mais ça, c'est les bons. Je veux dire, c'est ceux qui sont restés, c'est ceux dont on sait qu'ils valaient quelque chose. Mais à l'époque, il y a ceux dont on ne parle plus et qui, eux, n'ont pas été touchés par la crise des grands orchestres parce qu'ils étaient blancs et parce qu'ils faisaient du jazz qui était une espèce de ressucé de ce qu'avaient inventé les orchestres noirs. Donc, Duke Ellington a largement alimenté, les inventions de Duke Ellington ont largement alimenté des orchestres blancs qui ont joué comme ça dans cette période et qui étaient très, très prisés aux États-Unis. Et Boris Vian avait la dent assez dure avec tout ça. Il y a notamment un orchestre dont je vais retrouver le nom, celui de Stan Kenton, par exemple, qui qualifiait de machine sans âme, en disant que c'est un très bel orchestre, que ça joue très très bien, tout ça, mais que ça raconte pas grand-chose, quoi. Il y avait Glenn Miller. Glenn Miller, voilà, ça fait partie. Ou Mesmero. Mesmero, c'est une cible privilégiée de Boris Vian pour dire que, voilà typiquement le gars qui arrive blanc et profite, en fait, fait fructifier tout ce que les Noirs ont inventé. Et eux, tenus évidemment sous le boisseau de la ségrégation, il était facile de venir et de, même en jouant très médiocrement de son instrument, raconter de belles histoires. Et notamment, il raconte un truc, c'est que Mesmero, qui a écrit La rage de vivre, qui est un best-seller qui est censé raconter les premiers temps du jazz, et bien, quand il faisait des concerts en France, sur l'affiche, il n'y avait pas marqué l'orchestre de Mesmero, mais il y avait marqué Mesmero, l'auteur de La rage de vivre, vient jouer. Donc c'est quasiment, on allait écouter un écrivain, quoi. Donc, alors qu'il ne jouait pas bien du tout, apparemment. Bon, voilà, ça a été un peu son champ de bataille. J'avais noté comme ça juste un petit extrait dans les chroniques de jazz que je trouvais assez parlant, où il répond à une... Parce qu'en fait, dans le jazzot, Boris Vian, il faisait essentiellement une revue de presse. Et donc, il s'amusait à lire les articles qui étaient publiés. Il parlait très bien l'anglais, évidemment, parce qu'il était traducteur. Et il lisait donc la presse américaine, et il s'amusait à piquer comme ça des extraits et à les commenter. Alors, un jour, en 56... Ouais, 56, il rapporte comme ça. Le petit marrant nommé Asa Carter, secrétaire du Concile des citoyens blancs de l'Alabama Nord, a condamné le rock'n'roll en déclarant qu'il est encouragé comme moyen de rabaisser l'homme blanc au niveau du noir, et qu'il fait partie d'une conjuration pour saper le moral de la jeunesse de notre nation. Il est sexuel, immoral et constitue le meilleur moyen de réunir les membres des deux races. Ce qui me paraît excellent, d'ailleurs... L'avenir est au mélange des races, que Carter Asa le veuille ou non. À partir du moment où on trouve, et on en trouve, heureusement, des gens qui se foutent éperdument de la couleur du voisin pourvu qu'il soit sympathique. Donc ça, c'est une chronique de d'août 56. On a l'impression de lire des trucs contemporains hein, quand on lit ce que raconte ce chroniqueur de l'Alabama. Et donc Vian défendait la musique noire contre la musique blanche. Mais comme c'était un esprit qui n'a jamais été très systématique, sa première admiration allait quand même à un musicien, a été un musicien blanc qui s'appelait Bix Beiderbecke. Ça a été sa première influence. Et là, on est vraiment dans le jazz New Orleans. On va écouter un morceau de Bix Beiderbecke qui s'appelle « All the Jazz Band Ball ». All the Jazz Band Ball, 1917. Thank you. Donc ça, c'est un morceau de 1917 de l'orchestre de Bix Beiderbecke. Et donc, c'est une des premières admirations. Et je pense que Boris Vian est resté toujours un peu fasciné par la figure de Bix Beiderbecke. Bon, on ne va pas faire une émission sur lui, mais c'est effectivement un trompettiste, un cornettiste, en fait, blanc, qui avait beaucoup de talent et qui a joué indifféremment avec des blancs et des noirs, d'ailleurs. C'était une époque où on faisait pas trop de... où les gens n'étaient pas séparés comme ça l'a été ensuite dans le jazz, à certaines périodes. Donc j'ai dit que Vian avait pas choisi son camp, enfin il avait choisi son camp entre ce qu'on a appelé les raisins aigres plutôt que les figues moisies. Donc les figues moisies étant ceux qui restaient accrochés au jazz ancien et les raisins aigres étant ceux qui ne défendaient que le bebop, la modernité. Et en fait, Vian est un critique qui est resté amateur de tous les styles de jazz. Mais alors, c'est curieux quand on voit effectivement ces admirations. Il y a Bix Beiderbecke et il y a pas mal de. En fait, il y a pas mal de rapports avec le jazz qu'on trouve dans les films de Woody Allen, curieusement. Et c'est curieux, il y a un parallèle à faire entre les deux parce que ce soit Boris Vian ou Woody Allen, c'est deux personnes qui ont eu une pratique de jazz amateur dans des orchestres de New Orleans parce que c'est le jazz qui se prête, enfin qui est le plus accessible à des musiciens amateurs et qui en même temps donc pratique ce jazz mais en même temps aime tout le jazz. La deuxième grande admiration, je pense, de Boris Vian dont on doit parler, c'est quand même Miles Davis. Il y a de très beaux textes de Miles. Tu n'as pas retrouvé, Axel, le texte de Miles sur l'enregistrement de... Il a écrit un très très beau texte. Évidemment, à chaque fois que Miles est venu à Paris, Boris Vian était là pour l'accueillir. Et il a d'ailleurs aussi fréquenté beaucoup Ellington, qu'il a hébergé chez lui. C'était un peu un ambassadeur des amateurs de jazz. En France, et donc à chaque fois qu'un grand nom du jazz arrivait à Paris, il était là pour le recueillir, enfin oui, pour l'héberger, pour boire des coups et écouter des disques avec, quoi. Mais donc on va écouter un enregistrement de Miles. Alors évidemment, c'est pas le Miles Davis qu'on connaît le plus, parce que c'est la période où Miles commençait, quoi. Donc quand il est arrivé en 1949 à Paris, et c'est là qu'il est arrivé comme un trompettiste bebop qui avait beaucoup de difficultés à trouver sa place comme Parker et comme tous les boppers, comme tous les noirs qui pratiquaient cette musique aux États-Unis, mais qu'il avait réussi comme ça à trouver une sorte de refuge ou de refuge en France, quoi. Donc on va écouter un extrait d'un concert qui a été donné par Miles Davis et Tad Damron à la salle Pleyel en 49. Et donc ça va être introduit par un journaliste qui va présenter ça de façon extrêmement intellectuelle et qui va assez vite être interrompu par la musique parce que le concert commence. Chaque pays, chaque époque a son génie propre et la musique comme l'architecture en est l'image et le témoignage perpétuel. Le plein chant des cathédrales, l'héritage de la musique antique, la polyphonie de la Renaissance, l'étude de Jean-Sébastien Bach, la sensibilité spirituelle de Mozart, tout cela reflète l'histoire de l'esprit, et les folklores de tous les pays reflètent l'histoire de l'homme. Alors que l'espérait, avec le XXe siècle, des grandes réformes musicales répondant aux grandes découvertes scientifiques du siècle, de la machine, la musique livrée aux mains d'experts alchimistes se confinait dans des alambics sans issue. Voici un orchestre qui apparaît, je laisse à nouveau le micro à mon ami Culaz. Vous entendez actuellement le quintet de Tad Damon et Miles Davis. C'est un quintet qui se livre à la forme la plus moderne du jazz, au style bebop. Miles Davis à la trompette, James Moody, ancien saxophone ténor de l'orchestre du fameux Gillespie, Tad Damon au piano, Curin à la basse, et notre ami, je puis dire, puisqu'il est parisien depuis déjà longtemps, Kenny Clark, un des deux meilleurs drummers probablement de l'époque actuelle. Voilà Miles Davis. Thank you. Voilà, c'était Miles Davis et Tad Amron en 1949 à la salle Playel. Donc, c'est la première fois que Miles Davis venait en France. Il avait déjà commencé à quitter un peu la sphère du bebop, puisqu'il était sur le point de créer ce qu'on appelait le Cool, avec Jerry Mulligan, un ensemble qui a produit un album célèbre qui s'appelle Birth of the Cool. Mais donc il était encore dans la lignée de Charlie Parker et de Gillespie, et donc jouait ce bebop qui passait pour une, quand je parlais tout à l'heure de musique qui passait pour du, ça c'est un hard bopper, Axel. Comment? Mais on t'entend pas, donc je peux te répondre. Mais il y avait Cannonball Adderley qui est venu un tout petit peu plus tard, mais c'était super. Ah oui, ce qu'ils ont fait. Ah oui, avec Miles, tu veux dire. Ouais. Oui, non, mais ça, c'est le Miles. Toi, tu parles du Miles qui vient avec sa fameuse formation avec Cannonball Adderley et John Coltrane, quoi. Ça, c'est le Miles au sommet de son art, Kind of Blue et tout ça. C'est le hard bop. Là, c'est, voilà, encore un Miles Davis, encore assez jeune, qui arrive pour la première fois à Paris. Et donc, il est accueilli dans les clubs. Il va au Club Saint-Germain, il va au Tabou. Il s'installe dans la chambre 76 de l'hôtel La Louisiane, où vivent déjà de nombreux jazzmen. Donc, Kenny Clark, dont on a entendu tout à l'heure, qu'il était là depuis longtemps à Paris. Co-dirigeant un groupe avec le pianiste Adam Ron, comme j'ai dit, rencontre l'élite intellectuelle et artistique parisienne de l'époque, Jean-Paul Sartre, Boris Vian. Salaud Jean-Paul Sartre. Pablo Picasso et surtout Juliette Gréco. Et pour le trompettiste, c'est une véritable révélation. La France est à l'époque un pays beaucoup moins raciste que les États-Unis. Bon, je lis des choses que j'ai un peu copié-collées, hein, donc c'est à nuancer. Parce que je pense que dire que la France était moins raciste que les États-Unis, certes, relativement, ouais. il y avait effectivement, c'était moins dans les lois, mais il faut se souvenir quand même que les relations mixtes entre noir et blanc, les relations sentimentales, les relations sexuelles, étaient la principale cause de censure cinématographique en France jusqu'à la fin des années 60. Donc c'était quand même pas non plus la panacée. Hein. Mais donc Miles tombe amoureux de Juliette Gréco et il hésite à l'épouser, ce qui serait tout simplement impensable dans son pays natal. Et parce que là, aux États-Unis, c'était légalement interdit. Et voilà, il n'aurait même pas pu. Ne voulant pas lui imposer une vie aux États-Unis en tant qu'épouse d'un noir américain, et ne voulant pas abonner sa carrière en France, il renonce et il rentre à New York. Donc j'ai dit, voilà, c'est pas pour rien que tout ça se passe dans un endroit qui s'appelle le Tabou, quand même. Voilà. Et donc c'est la première visite de Miles à Paris, et puis il y en aura d'autres par la suite, évidemment. Où il croisera notamment Louis Malle pour ce fameux ascenseur pour l'échafaud, ouais. Et Jeanne Moreau. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par rapport... Il y avait Barney Whelan. Et Barney Whelan, évidemment, qui était un des rares saxophonistes ténors à être déjà dans un style plus ou moins bebop, quoi. Et c'est pour ça qu'il a été engagé par Miles pour enregistrer un ascenseur pour l'échafaud. Alors, une des troisièmes grandes admirations de Boris Vian, comme je l'ai dit, c'est Ellington. Donc on va entendre un très beau morceau de... Enfin, tout Ellington est magnifique, c'est quand même un musicien qui est c'est un peu le Mozart du jazz, Ellington. Et donc J'invite ceux qui ne connaissent pas sa musique à s'y noyer, mais on va écouter Black and Tan Fantasy, qui est un enregistrement. Il y en a eu plein d'enregistrements de cette composition, mais celui-là, je crois, il date de 1927. On s'est trompé, je ne sais pas comment on a fait. C'est moi qui ai dû me tromper dans l'ordre des morceaux. Tan Fantasy, en fait, ça veut dire fantaisie noire et feu. Et je sais pas, je crois que ça fait référence au club de jazz noir qu'il y avait à Chicago, puisque à l'époque, Ellington jouait à Chicago. Maintenant, je sais pas si fantaisie noire et feu, il faut l'entendre dans une allusion un peu plus sombre, peut-être à un autre type de feu. Et voilà, de la place. Je pense au lynchage et à tout ça, quoi. Ce que je pouvais encore dire par rapport à Ellington et par rapport à ce qu'on raconte Vian, c'est que donc Ellington qui a connu vraiment son heure de gloire avant la guerre, effectivement quand est arrivée la fin de la guerre, tout le monde le disait terminé. Tout le monde pensait que c'était terminé, que la grandeur des grands orchestres était finie, que Duke Ellington était terminé. Et Vian était un des rares critiques en France à constamment le soutenir, quoi. Et le soutenir justement contre les nouveaux orchestres blancs qui arrivaient. Et effectivement, Ellington, du coup, a rebondi, parce qu'il a réémergé, en fait, en 1956, dans un concert assez célèbre à Newport. Et c'est là qu'il a repris, qu'il est redevenu à la mode et qu'il a recommencé à faire des grandes compositions, des enregistrements magnifiques. Et dans cette période de creux, il avait été toujours soutenu assez inconditionnellement par Vian. De même que l'orchestre de Dizzy Gillespie, qui lui aussi était censé être totalement terminé. Mais ça n'empêchait pas Vian d'avoir la dent assez dure. Et notamment, il y a un texte que je cherche encore, donc je lance un appel, parce que je n'ai pas lu toutes les chroniques de jazz, donc je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on m'a raconté. En fait, c'est mon père qui m'a raconté ça. Il m'a dit qu'il y avait un texte de Vian où, notamment, il comparait les sons d'un tromboniste. Bon, j'ai remarqué que Vian était assez exigeant avec les trombonistes. C'est un instrument dont il pensait qu'il voilà, il ne supportait pas la médiocrité. Et notamment, il aurait écrit que J.C. Higginbotham, un tromboniste qui est assez, assez connu, quoi, que Higginbotham sortirait de son instrument des sons que, je cite, on ne se permettrait généralement produire que à la toilette. Mais je n'ai pas trouvé le texte en question, et voilà le genre de critiques dont était aussi capable Boris Vian. Preuve qu'il voilà, il a toujours pratiqué le métier de chroniqueur et de critique de jazz avec un grand humour. Et d'ailleurs, la plupart des revues qui lui ont été confiées de façon temporaire ont toutes à peu près coulé. Notamment une revue dont je ne me souviens plus le nom, mais qui lui avait été proposée par Eddie Barclay et dont il avait l'entière responsabilité. Et je crois qu'il y a eu 2-3 numéros et très très vite, ça n'a plus marché parce que en fait, les gens n'y trouvaient pas leur compte, évidemment, parce que les gens qui aimaient le jazz voulaient des textes très très sérieux sur le jazz, très théoriques. Et lui, il faisait des blagues sans arrêt, quoi. Je voulais revenir un peu en arrière parce qu'on a loupé un morceau qu'on n'a pas écouté, mais c'est pas plus mal parce que du coup, on va l'écouter maintenant. C'est l'indicatif de l'Orchestre du Tabou. On va d'abord écouter ce petit bijou en 1947. Dans sa série d'émissions sur le jazz au quartier latin, le préf d'essai de la radiodiffusion française vous présente aujourd'hui l'Orchestre du Tabou. Ah, si j'avais un franc 50, j'aurais bientôt 2 francs 50. Ah, si j'avais 2 francs 50, j'aurais bientôt 3 francs 50. Ah, si j'avais 3 francs 50, j'aurais bientôt 4 francs 50. Ah, si j'avais 4 francs 50, ça serait bientôt 100 sous. Les habitués du tabou auront certainement reconnu l'indicatif de Boris Vian. Donc voilà, ça c'était l'indicatif de l'Orchestre du Tabou enregistré en 1947. Si j'avais un franc 50. En fait, c'est un thème qui s'appelle Whispering de Paul Whiteman, qui est un vieux truc de 1920, et donc adapté par Boris Vian avec ses paroles qui... un peu sur le ton de 20 km à pied, ça use les souliers, rappelle en fait au public du tabou que le jazz n'est pas un truc qui rapporte beaucoup. Parce qu'à l'époque, effectivement, pour organiser un concert en France, à Paris, il fallait vraiment arriver à joindre les bouts de ficelle parce qu'il n'y avait pas beaucoup de public pour le jazz. Et du coup, voilà, c'était un peu dans cet esprit-là qu'il avait composé cette chanson. Dont on va voir tout à l'heure que en fait, la question des paroles un peu dérisoires des morceaux de jazz a son importance par rapport au Boris Vian chansonnier. Quoi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que de voir... c'est une adaptation quoi, d'un thème. Et ce thème, en fait, puizqu'on n'a pas écouté encore de Dizzy Gillespie, dont j'ai parlé pas mal, on va écouter un morceau de Dizzy Gillespie. C'est le 10 dans ma playlist. Qui s'appelle Groovin' Height. Et Groovin' Height, c'est un thème qui a été composé par Parker et Gillespie dans les années 40, mais qui là est enregistré en 56 par l'orchestre de Dizzy Gillespie. Et ce qui est rigolo, c'est que vous allez retrouver exactement le même air que si j'avais 2 francs 50, parce que Dizzy Gillespie, lui aussi, s'est très fortement inspiré du thème de Paul Whiteman, au point que ça en devient quasiment une blague, c'est quasiment un plagiat et une façon de dire la jolie chanson de Paul Whiteman, voilà ce qu'on en fait. On va écouter ça. And now I would like to play a tune that I had the pleasure of recording with the late, great genius of the alto saxophone, Charlie Yardbird Parker. And this tune will feature our genius of the alto saxophone, Phil Woods, playing Groovin' High. Thank you. Donc c'était Groovin' Height de l'orchestre de Dizzy Gillespie en 1956, avec une citation très appuyée de Whispering de Paul Whiteman, qui était aussi l'inspiration du fameux Ah si j'avais 1,50 francs, qui était l'indicatif de l'orchestre du Tabou de Boris Vian. Tout ça pour dire que voilà, le jazz c'est une musique où les premiers ont improvisé, les deuxièmes qui avaient des noms de compositeurs ont composé, ont mis ça par écrit, ont fait des thèmes, etc. Puis les troisièmes se sont inspirés, ont pris les thèmes et les ont déformés, les ont reinterprétés. Et c'est comme ça que des thèmes, c'est comme ça qu'est né le jazz en fait, puisque c'est un truc que rappelle Boris Vian dans ses écrits d'ailleurs, et qui moi je connaissais pas, mais apparemment c'est avéré. Le premier thème de jazz, ce serait en fait un thème de quadrille qui s'appelait praline, qui était juste un truc de danse très classique en fait, et qui a été décalé jusqu'à sonner jazz, et qui a été comme ça, qui a donné cette musique un peu particulière, et qui est la musique des États-Unis, à part si on aime le country. On va finir avec une blague, parce qu'on pourrait parler de Boris Vian et du jazz toute la nuit. Il faudrait aussi un petit peu parler de son activité de chansonnier, et je pense que ça s'articule un peu avec le jazz par les paroles. On va écouter un dernier morceau qui va montrer un peu comment sont nées en fait les paroles des chansons de Boris Vian peut-être. Mais je voulais raconter une blague, c'est l'histoire d'un gars qui rentre dans un café et qui demande un whisky. Il y a le barman qui lui sert son whisky, et à ce moment-là, quand il est sur le point de goûter son whisky, il voit arriver un petit singe qui arrive et qui trempe ses couilles dans le whisky. Et puis le singe s'en va et disparaît. Et alors là, celui qui a commandé le whisky se retourne vers le barman et lui dit « Mais enfin, c'est pas possible, vous avez bien vu là, le petit singe ?» Et le barman hausse les épaules comme ça. Alors il dit « Bah, donnez-moi un autre whisky, c'est pas possible, je peux pas boire ça. » Puis alors il lui donne un deuxième whisky, et là, le barman se retourne, et de la même façon, le petit singe arrive et hop, il trempe ses couilles et il part. Là, le gars est quand même interloqué et il veut plus parler au barman, donc il se tourne et il voit un pianiste qui joue au fond du bar comme ça, et il va le voir et il lui dit « Mais vous connaissez le petit singe qui trempe ses couilles dans le whisky ?» Et là, le pianiste lui dit « Non, mais si vous me chantez l'air, éventuellement. » Une blague juste pour dire que souvent, les paroles qui étaient chantées dans les premiers morceaux de jazz étaient assez, assez ridicules et assez, trouvées un peu par hasard, parce qu'en fait, c'était pas forcément la priorité. Et c'est ce qui a donné à Boris Vian l'idée d'écrire des chansons un peu farfelues au début. D'ailleurs, une de ses premières chansons qu'on n'a pas retrouvée, mais il paraît, était totalement calquée sur type de paroles qui ne veulent pas dire grand-chose, mais qui pouvaient accompagner éventuellement un morceau de jazz. Alors là, on va écouter une chanson un peu plus tardive. Alors là, c'est dans un troisième temps. C'est-à-dire, Boris Vian écrit des paroles qui n'ont pas grand sens, puis finalement, il s'y met vraiment, et il compose des très belles chansons que vous connaissez sans doute, qui sont Le Déserteur, qui sont Je suis snob, qui sont... Et il a été, à un moment donné, considéré comme écrivant des chansons trop intellectuelles et trop compliquées. Alors là, dans un troisième temps, il a eu un peu il s'est un peu vexé quelque part, et il a voulu composer la chanson la plus stupide de l'année. Et il a composé la chanson que nous allons entendre, qui s'appelle « Pan, pan, poireau, pomme de terre ». Eh bien, je suis aujourd'hui dans une des discothèques de la rue de Rome, tout près de la gare Saint-Lazare. Et j'ai à côté de moi Boris Vian, qui va m'expliquer, avec cette espèce d'esprit cartésien teinté d'humour anglo-saxon qu'il a, il va m'expliquer ce que c'est que cette nouvelle danse qu'on appelle poireau-pomme de terre. Il y a beaucoup de gens qui m'ont souvent accusé d'écrire des chansons trop intellectuelles, et j'ai voulu prouver avec le poireau et la pomme de terre que je n'étais pas spécialisé dans la chanson intellectuelle. J'ai fait un pari, j'ai parié que je réussirais à écrire la chanson la plus stupide. Je ne sais pas si je l'ai gagnée, mais enfin, je crois que je suis en bonne voie. Et est-ce que vous pouvez nous donner, Boris Vian, quelques caractéristiques alors sur cette danse? Car je crois que ce n'est pas seulement une chanson et musique, mais c'est une danse. Oui, c'est une danse républicaine, démocratique, bien française, et en somme, appelée à remplacer tout ce qui se danse en ce moment et qui n'est qu'article d'importation. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom p Et alors, figurez-vous que la bonne blague, c'est que cette chanson a eu un succès absolument fracassant, quoi. C'est-à-dire que, alors que les autres chansons de Boris Vian étaient passées plus ou moins, celle-ci a été reprise par Maurice Chevalier et ça a été vraiment un succès, quoi. Et voilà. Mais je propose qu'on écoute un dernier morceau de jazz. Alors, pour finir en beauté. Alors, je vais vous décrire, parce que pour moi, c'est vraiment un morceau qui... C'est un de ces morceaux qui contient la quintessence du jazz. Il s'agit de I've Got Reason, qui est un thème de Gershwin, pardon. Donc, quand je parlais d'une deuxième génération de gens qui avaient écrit des thèmes par rapport à des gens qui avaient improvisé avant, voilà, Gershwin en est l'exemple par excellence. Donc il a composé beaucoup de chansons, dont ce I Got Rhythm. Et là, il est interprété dans un concert. C'est ce qu'on appelle les enregistrements du JATP. Et alors là, vous avez une fameuse équipe, une fameuse brochette, parce que vous allez entendre d'abord un trompettiste. Je ne sais plus qui, d'ailleurs. Parker ? Non, c'est un trompettiste. Mais je ne sais plus lequel c'est. Et donc d'abord, voilà, qui va faire un peu des suraigus, faire un peu des trucs un peu acrobatiques. Ensuite, vous allez entendre un saxophone ténor qui s'appelle Coleman Hawkins, qui est un des premiers grands saxophones ténors de l'histoire du jazz. Il a un jeu et une sonorité très particulière. Quand on écoute Coleman Hawkins, il faut se souvenir qu'en fait, c'est un gars qui a commencé à étudier la musique en jouant du violoncelle. Et quand on écoute la façon dont il joue du saxophone, en fait, on a l'impression de l'entendre des fois avec un archer faire des allers-retours. C'est très net. Et voilà, donc il y a ce très beau chorus de Coleman Hawkins. Et la personne qui vient après, c'est le fameux Charlie Parker dont on a parlé quelques fois là, qui lui, donc c'est un saxophone alto. Et vous allez voir qu'il joue d'une façon très différente déjà, qu'il ouvre le champ. Il y a des espèces de grands silences comme ça qui s'établissent d'un coup autour de phrasés très mélodieux, très beaux, très, très chantants. Enfin, il fait un magnifique chorus aussi. Et c'est un peu la jeune génération. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il termine son chorus en invitant un troisième saxophoniste, qui lui est aussi un très très grand saxophoniste, qui est un peu le maître de Charlie Parker, si on peut dire, qui est Lester Young. Et donc il l'invite par une phrase dont il sait qu'il va la jouer. Donc vous voyez tout ce qui peut se passer comme ça dans un morceau entre des gens qui s'aiment, qui se respectent, etc., et qui communiquent entre eux par la musique. Et le chorus de Lester Young est magnifique aussi parce qu'il il enchaîne des phrases qui étaient ses phrases un peu fétiches, et il les rythme d'une façon très très belle, très particulière, très dansante aussi. Et on est un peu, voilà, c'est un morceau qui est comme ça sur la balance entre deux époques dans le jazz, et où les gens sont pas du tout les uns contre les autres, ils sont juste en train de poursuivre une histoire et de la moderniser. C'est magnifique. Donc on va écouter ça pour finir. Thank you.

Voilà, merci Patrick pour cette présentation de Boris Vian et du jazz et de tout ça. C'était super intéressant. Alors nous allons terminer par un agenda. Il n'y a pas grand-chose, effectivement. Dimanche, il y a une grande manifestation pour la santé suite à ce qui s'est passé, la fragilisation de la santé, les inégalités sociales qui sont apparues. Il y a tout le secteur de la santé qui se réunit pour une grande manifestation qui partira 13h dimanche de la gare centrale au Mont des Arts. Donc, il faut sortir dans la rue. Il y a un appel également des féministes, des queers et de tout le secteur féminin, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de femmes qui ont été très fragilisées par tous ces problèmes de pandémie et tout ça. Donc, on demande que la santé soit quand même quelque chose d'important dans la société et qu'on ne parle pas que de l'économie et des banques, mais qu'aussi que la santé, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc voilà, donc il y a une grande manifestation qui aura lieu donc ce dimanche à partir de 13h. Je ne sais pas si c'est Gare Centrale ou Mont des Arts, mais enfin c'est dans le coin. En tout cas voilà. Donc ça c'est pour dimanche. Le lundi 14 septembre à l'Accroche, septembre 2 avenue Pont de Lutre à Bruxelles, vous aurez le module 2 d'un cours, les cours de crochetage qui vont recommencer. Donc il y a eu un module 1 avant, il y a quelque temps, et maintenant c'est le module 2. Et alors dans ce module 2, ce sera le crochetage avec les serrures à paillettes ainsi que les cadenas à code. Alors le crochetage, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une technique d'ouverture de serrure dite fine. Cela signifie qu'elle permet d'ouvrir la serrure à l'aide d'outils spécifiques appelés crochets ou parapluies sans détruire la serrure. Le crochetage inclut l'ouverture de tous les types de serrures, y compris à clé magnétique ou électronique. Voilà, donc cette technique, donc cet atelier va recommencer. Il faut se rappeler que la pratique du crochetage est totalement légale pour autant qu'il s'agisse de vos propres serrures et que vous ayez l'autorisation du propriétaire avant de les crocheter. Il est formellement interdit de l'envisager ici, sur quelque autre forme qu'il soit. Je me réserve le droit de vous mettre à la porte. Ainsi, cette connaissance pourra vous permettre de vous offrir sortir de certaines situations. Lorsque, par exemple, vous avez oublié les clés de chez vous ou du cadenas qui attache votre vélo, par exemple. Donc, la pratique du crochetage est un savoir à part entière, très semblable à un casse-tête complexe auquel il faut y ajouter de la dextérité, une finesse dans le toucher et éventuellement une très bonne nuit. Alors, donc, l'idée ici est de créer un espace sérieux d'échange, de partage de techniques et de savoirs afin de nous faire évoluer chacun et chacune dans cette pratique. Bienvenue à toutes et à tous. Voilà, donc c'est à partir de 19h à l'Accroche, le module commence à 19h. Alors, je voulais déjà vous faire un appel à une manifestation qui aura lieu à Calais le 26 septembre. C'est un appel à la solidarité pour le respect des droits et de la dignité des personnes exilées. La Côte d'Opale, ses plages, son dragon, ses places, son carnaval et son acharnement est celui de l'État à harceler les personnes migrantes. Depuis 30 ans, les personnes exilées en transit vers l'Angleterre n'ont jamais été correctement traitées par les autorités locales et nationales. En 2017, la justice a ordonné à l'État et à la ville de Calais de distribuer de l'eau et d'installer des sanitaires et des douches. Les autorités ont dû respecter cette obligation, mais à minima. Tout en continuant de chasser les gens et de détruire leurs abris, elles ont organisé des distributions éloignées de tout, invisibles et insuffisantes. Bien plus, le harcèlement policier et administratif est incessant. S'y est ajoutée dernièrement une discrimination dans les bus qui est insupportable. Bloquées à la frontière, empêchées de passer et empêchées de rester, ces personnes survivent comme elles peuvent, sans autre abri que des tentes fournies par les associations qui sont quotidiennement confisquées et détruites. Les personnes n'ont été mises à l'abri ni l'hiver dernier, ni durant la canicule cet été. Nous craignons le pire pour l'hiver qui va arriver rapidement. Cet été, des milliers de personnes ont tenté leur chance d'atteindre la Grande-Bretagne en traversant la Manche dans des embarcations diverses. Tout le monde se rend compte que la politique répressive ne résoudra jamais rien. En 2020, des hommes, des femmes, des enfants ont soif et faim. En 2020, des hommes, des femmes, des enfants n'ont pas l'abri et sont empêchés de dormir. En 2020, des hommes, des femmes, des enfants sont victimes de traitements inhumains. En 2020, des hommes, des femmes, des enfants risquent leur vie pour pouvoir circuler. La stratégie menée par les municipalités, les préfectures et l'État doit changer. Nous nous mobilisons pour qu'un véritable accueil digne et humain soit organisé par les autorités. Nous exigeons que les projets de vie et les projets migratoires des personnes exilées soient réellement écoutés et pris en compte. Ensemble, soyons solidaires, dénonçons cette situation. Rendez-vous donc samedi 26 septembre pour un grand rassemblement festif et solidaire. Et ça, ça se passe à Calais. Alors, je voulais également vous parler du camp de Moria, qui a brûlé hier, et qui est un camp qui rassemble quelques 12 000 migrants, je crois, c'est ça, hein, Serge ? Dans des conditions absolument innommables. Et alors, je vais vous lire assez rapidement un témoignage de quelqu'un qui s'appelle Alpha, que le nom a été changé, qui vivait dans un conteneur du camp de Moria sur l'île grecque de Lesbos, où l'incendie s'est déclenché dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9. Il raconte à Infomigrant ce qu'il a vécu. « J'étais dans mon conteneur quand aux alentours de 22 heures, j'ai entendu des bruits venant de l'extérieur. Des agents venus tester des habitants du camp au Covid-19 étaient violemment chassés par des migrants originaires d'Afghanistan. Ces derniers ont refusé les tests en hurlant « Il n'y a pas de coronavirus ici ». Très vite, les policiers sont intervenus, ont lancé des gaz lacrymogènes en direction des logements. Je n'ai pas voulu sortir de mon lit car des bagarres éclatent régulièrement et je ne veux pas être mêlée à cela. Mais quelques minutes plus tard, j'ai senti du gaz et des flammes ont commencé à entrer à l'intérieur de mon conteneur. Ils étaient environ 23 heures. J'ai eu très peur, j'ai regroupé mes affaires et mes documents d'identité et je suis sortie. J'ai réalisé à ce moment-là que c'était grave. Tous les conteneurs étaient en train de brûler, le feu se propageait très rapidement et les gens couraient dans tous les sens. J'ai suivi le mouvement et je me suis dirigée vers la sortie du camp. Nous étions des centaines de migrants, dont de nombreuses femmes et enfants, à marcher sur la route en pleine nuit. Le but était de s'éloigner au maximum des flammes et de rejoindre la ville de Mytilène. Mais après avoir marché 2 heures, on a vu des quarts de policiers qui bloquaient la route. Il était environ 3 heures du matin, nous ne pouvions plus avancer. Ce matin, nous sommes au même endroit. On n'a pas dormi de la nuit, personne ne nous a donné à manger ni à boire. Heureusement, il y a un petit supermarché à côté de nous, on a pu acheter un peu de nourriture. Ce qu'il s'y passe est dramatique. Tout Moria est à terre, tout s'est écroulé. Que va-t-on devenir ? J'attendais la réponse à mon entretien de demande d'asile que j'ai passé il y a plusieurs semaines, mais avec tout ça, je n'ai aucune idée de ce qu'il va advenir. J'ai de la chance car j'ai réussi à prendre des affaires avec moi, mais certains ont tout perdu. Les gens sont à bout. Depuis des mois, les autorités nous empêchent de sortir du camp. La tension est palpable. Les migrants de Moria sont mis à l'écart et subissent trop d'injustices. Nous sommes fatigués de cette rubie. Voilà. Et ça se passe également en 2020, où il y a des femmes, des enfants, des femmes, des hommes et des enfants qui vivent dans des conditions absolument innommables, alors que d'autres se grattent la panse après un repas pantagruélique. Merci. À la semaine prochaine. Allez, alors, bonne soirée. À bientôt. Vous êtes à l'écoute de... D'étranges annales. D'étranges annales.